Il s'agit donc ce soir de la dernière émission de l'année 2015 du Undead Incorporated Show Réanimation. Mais que ce soit la dernière n'aura pas d'incidence sur la programmation de ce soir, puisque je terminerai encore avec une fois le spécial de la soirée qui en fait son deux spéciaux, qui mettent en scène deux légendes vivantes du métal, soit Voivod et Slayer. Certains auditeurs m'ont posé la question suivante. Docteur, lorsque Réanimation prend des pauses, que fais-tu pendant ce temps? Eh bien, cher petit con, lorsque Réanimation tombe en pause, généralement en raison de deux fois par année, j'en profite moi aussi pour mettre en pause mes activités régulières qui sont principalement des expériences sur la réanimation post-mortem. Alors, je descends dans le quatrième sous-sol de mon laboratoire, là où mon installation de divertissement est en place. Je m'installe confortablement dans un lazy boy datant du 15e siècle. Ben oui, c'est le premier prototype inventé par Léonard de Vinci et il portait le nom de Ragazzo Prigro à l'époque. Léonard de Vinci, mais bien le divan. Bref, et j'écoute en marathon des dizaines de films d'horreur, dont de nombreux classiques, en plus de nombreux albums métal qui m'auront intéressé au cours de l'année. Ce qui me permet de préparer ma rétrospective. Cette rétro Undead que je vous présenterai à mon retour le 12 janvier 2016. Donc, pour répondre à la question, je ne m'ennuie pas du tout et je passe pratiquement ces 4 semaines reclus à 40 pieds sous terre, loin des questions insignifiantes des gens dérangeants dans votre genre. Mais attention, les gens dérangés sont les bienvenus. Voici Réanimation. Et c'est bien pire parfois d'avoir un médecin, surtout lorsqu'il affirme que les dérangés sont bien moins dérangeants que les gens qui croient ne pas être dérangés et dérangeants, ou quelque chose du genre. Priez pour ne pas y survivre, enfoiré. 'Cause fear is my fucking business. We are Undead Incorporated. 'Cause I, Pendragon, said so. Anthrax, go! We'll be right back. life has no meaning anymore, does it? Salut, c'est Phil, le bassiste et chanteur de DBC, et vous écoutez Réanimation sur CFOU 89.1 FM. 89.1. Écoutez-nous en direct sur le web sur cfou.ca. C'est fou. Le jeudi 19h, écoutez Très Blues Assez Fou. Nous présentons le blues de ses origines au blues d'aujourd'hui. La chronique de Paul Deslauriers, les biographies de Steven Hubert et des prestations en direct. Très Blues Assez Fou sur C'est Fou 89.1 FM. Notre mission, pour vous, avec vous. Les étudiants de l'UQTR sont notre raison d'exister. Plusieurs services vous sont offerts. Ateliers d'aide aux études, services d'orientation et de psychologie. Également, des services tels le logement, la mobilité étudiante, sans oublier le service de prêts et bourses ainsi que la présence d'une infirmière et d'un médecin. Tous ces services et plus sont pour vous, avec vous. Venez nous rencontrer au 1275 pavillon Albert-Tessier de l'UQTR. Le service aux étudiants, pour vous, avec vous. Lundi, les Délirantes vous présentent une émission variée qui passe de faits divers à la présentation de personnes inspirantes. Soyez des nôtres. Les Délirantes, lundi à 13h, à C'est Fou, 89.1 FM. Vous êtes assez fait. Écoutez-nous en direct sur le web sur cfou.ca. Je ne vous souhaite pas la bienvenue en cette dernière édition des réanimations en ce 15 décembre de l'an des disgrâces 2015. Dernière, bien entendu, de cette année, puisque je serai de retour le 12 janvier prochain. Non, on se débarrasse pas de moi comme ça. On vient d'entendre ce premier bloc d'entrée qui était constitué de pièces que j'aime beaucoup écouter et réécouter à maintes reprises. Et je parle, en l'occurrence, avant cette pause publicitaire, de la formation Dark Angel. Dark Angel qui existe toujours, en fait, qui s'est reformé, devrais-je dire. Encore une fois, probablement une formation qui ne projette pas de faire d'enregistrement studio, mais qui fait des spectacles de façon sporadique. La pièce étant Death is Certain, Life is Not. C'est une vérité de la palisse, ma foi. C'est tiré de Darkness Descends, qui est paru en 86, sous l'étiquette Combat. Nous avions Sacrifice et la pièce Forward to Termination, et qui est jointe à Terror Strikes, qu'on retrouve sur l'excellent album, mais probablement le meilleur qu'ils aient jamais fait, Forward to Termination, qui est paru en 1987 sur Diabolic Force. DBC Dead Brand Cell, formation montréalaise, qui, elle, existe toujours. Et la pièce Lies s'est tirée sur le premier album Dead Brand Cells, qui est paru en 87, sur Combat. Vous avez Nuclear Assault et la pièce Live, Surf, Die, qui était l'introduction à la pièce Sin, qui est tirée de Game Over de 1986 sur Combat également. J'adore cet album. Et Anthrax avec la pièce Death From Above, qui est tirée du premier album de 84, Festival of Metal, qui, selon moi, encore est le meilleur jusqu'à ce jour. Mais c'est une question de goût, bien entendu. Et je sais que j'en ai énormément, et tandis que vous, pas du tout. Qui est paru sur l'étiquette Mega Force. Voilà. Ce soir, je l'ai annoncé, il y a deux spéciaux. Un qui s'adresse à une formation canadienne dans quelques instants, et aussi une des légendes du thrash metal américain et maintenant mondial, bien entendu, Slayer. J'aurai aussi des présentations pour vous de nouveautés. Je tenterai d'en faire au moins trois. Chose qui pourrait être difficile, mais bon. Je vous parlerai, entre autres, d'une nouvelle parution studio de la formation britannique Six et leur metal, je dirais, à tendance progressive Groove, un EP, un mini-album, si vous voulez, qui porte le titre de Opacities. Je tenterai de vous présenter une formation qui sera mais en fait, qui mettra disponible son album le 25 janvier prochain, soit en 2016. Je peux le faire, bien entendu, par la magie et la collaboration de John Asher. Et peut-être aurais-je autre chose pour vous, mais bon, ça, c'est le temps qui va me le donner, qui va me le dire surtout. J'ai aussi une relativement longue chronique cinéma, parce que j'ai quand même 5 films à vous entretenir d'eux. Et chronique musicale aussi, un peu plus petite bien sûr, mais tout de même qui va aller avec les nouveautés que je vais vous présenter, bien entendu. Avant que je l'oublie, et je ne voudrais pas le faire parce que je sais que le temps va me presser ce soir et que je ne pourrai pas me permettre de revenir en arrière puisque c'est la dernière ce soir de 2015, dois-je le préciser. Cette semaine, ici même à C'est Fou, dans le cadre de l'émission Rock Classique avec mon bon ami le Rockmaster Alain Lefebvre, il vous présentera la deuxième partie et dernière partie de sa rétrospective 2015, bien entendu. Et pour Rock Classique aussi, c'est de la dernière de 2015 pour un retour le 8 janvier prochain. Donc, il va vous présenter toutes sortes de trucs qui lui ont fait plaisir dans le deuxième décan de cette année 2015, qui ont fait plaisir ou qui l'aura peut-être moins apprécié. C'est à vous de l'écouter pour le savoir parce que, en fait, le Rockmaster vous présente et fait le survol, généralement parlant, de ce qui aurait été des parutions, je dirais, entre guillemets, importantes ou plus ou moins importantes. Mais à travers ça, ce ne sont pas nécessairement toujours des choses qui en fait, parce que j'y étais pas mal toute l'année, rock classique qui nous auront nécessairement plu, mais un survol tout de même. Bref, c'est de 11h à 17h, rock classique pour les vrais amateurs de vrai rock. Donc, sans plus attendre, je vous parle de ce premier spécial qui se porte sur une formation tout à fait canadienne, bien québécoise, à vrai dire. Est-ce que j'ai besoin de les présenter? Je parle de la réelle légende canadienne metal vivante Voivod. Formation active depuis 1981 qui a revu certaines modifications au niveau de son alignement et qui aura malheureusement perdu un de ses membres les plus importants. Je dirais le compositeur Denis D'Amour qui est décédé. Il y a certains, ma foi, je dirais presque 10 ans, si ce n'est pas le cas. Mais qui aujourd'hui existe toujours sous une forme qui est connue de celle que nous avons vue récemment au fil des derniers mois, des dernières années. Et je parle bien sûr de Away, Michel Langevin, à la batterie, qui est là depuis le début, qui était le seul membre à être là depuis le début sans jamais quitter la formation. On parle de Snake, bien sûr. Qui est au vocal depuis 83-94 et qui est revenu depuis 2002. Je parle de Chewie, bien sûr, Monsieur Mongrain, qui est à la guitare depuis 2008 et qui a dignement repris, dois-je le dire, le poste de notre ami Piggy, et de Rocky, qui est le bassiste depuis 2014 et qui nous aura donné un excellent spectacle, d'ailleurs, avec Voivod l'an dernier au Catacombes pour le lancement du livre L'évolution du métal au Québec. Voilà. D'ailleurs, quand je vous dis Daniel Chewie Mongrain, eh bien, mon ami The Tower of Death, le Hellborg, Monsieur Latour, l'aura en entrevue à son émission Subversion ce vendredi. Mille pardons, l'air est vraiment nul ici. S'il y a de l'air, évidemment. Donc, je vous parle de Voivod, bien sûr, formation qui est incontestablement ancrée dans le marbre de l'histoire du métal pour son innovation, pour son audace aussi particulièrement, mais aussi probablement pour sa ténacité. Je vous propose aujourd'hui d'aller écouter une pièce tirée des 6 premiers albums de la formation de 1984 à 1991 et débutons le tout avec l'hymne de Voivod, bien entendu. Voivod, go! Yeah. suicide. We turn it on and you'll be going crazy. Get into this thing, it's gonna have to shock. Look at achievers, you want a lot of. As many ideas, this shit is just beginning. We'll blow it up before we see what's on the game. Sure, but the body told. Anyway, it's all gone where fate leads me. It's a place that I got us to all the matter. Maybe because we have an autostructor. Set out of fun and you don't have a choice. But you rush up and there's no chance to save your broken brain. From slam chops we Shivers, you want this honor. There are many BX here, this shit is just beginning. We put it on before we sleep on Earth again. My kill was gone, and there's no chance to save your cracked brain. Bad snapshots, we need. In another apartment. not the sort of conquests you would ever understand. Bye. 89.1. Audiomatique avec les électronistes tous les mercredis à 17h. Samedi 19 décembre, 21h30, le Zinob reçoit Bartula. Pour vibrer au rythme de la musique festive des Balkans, venez découvrir ou redécouvrir Bartula. Ce samedi 19 décembre, au Zinob, 171 rue Bonaventure, Trois-Rivières. Génie en liberté, émission d'actualité, d'information et d'opinion, tous les jeudis à 9h30. Vous êtes assez fait, assez fait, assez fait, assez fait. 89. h 2, vous êtes toujours à l'écoute de réanimation des Undead Incorporated Show en ma compagnie. Dr. Pain Pendragon est sûr jusqu'à 21h. Avant cette pause publicitaire, on a eu le premier spécial de la soirée qui était l'avant-dernier de l'année. Voivod, 6 pièces tirées des 6 premiers albums qui étaient ceux-ci. À l'instant, on a entendu Cloud in My House et tiré l'album Angel Rat qui était le 6e, bien entendu, paru en 91 sur MCA. The Animal Nose, tiré de Nodding Face. 5e album paru en 89 sur MCA. Chaos Mongers, qui est extrait de l'album Dimension Atroce, paru en 88 sur Maze Music. Nous avions Revenous Medicine, c'est une de mes préférées, tiré de Killing Technology. Le 3e album de Voivod, mais aussi celui qui commençait à nous faire présager qu'ils allaient explorer des avenues un petit peu plus, je dirais, peut-être à tendance progressive. Killing Technology paru en 1987 sur Noise. Nous avions Ripping Headaches, qui est tiré de Roar, 2e album. C'est encore mon préféré jusqu'à présent, paru en 86 sur Combat. Et bien entendu, en ouverture de bloc, la pièce emblématique de la formation Voivod, pièce avec laquelle ils ont souvent débuté leur dernier concert, ou voire terminé, tiré de Warren Payne, qui était le premier album paru en 84 sur Metal Blade. Je vous parle d'une nouveauté maintenant, qui est une formation qui vient de Grande-Bretagne, plus précisément Wildford, Hertfordshire, England, exactement, il s'agit de Sixth, la formation de progressif, de métal progressif à tendance groove maintenant. Ils en sont à leur 2e album studio. Le dernier, je parle complet bien entendu, le dernier paru en 2006 étant Death of the Day. Mais je parle précisément du 6e EP qui est paru il y a très peu de temps, qui porte le nom de Opacities, qui est un album qui comporte 6 pièces relativement longues, je dois dire, et qui, ma foi, m'a bien plu. Je vais vous proposer d'aller écouter une de ces pièces tirées de ce mini-album Opacities, la pièce étant Philistine Philosophy. C'est parti, go! We'll be right back. formation Sect et la pièce Philistine Philosophy s'est tirée de leur dernier, dernier enregistrement studio, oui, mais pas un album complet. C'est un mini-album EP, Opacities, qui est paru le 4 décembre dernier sur Bill Brothers Records. Moi, j'ai bien aimé cette nouvelle parution de Sect. J'ai trouvé que c'était un heureux mélange de groove metal, tendance death, bien sûr, avec petit lien progressif à l'occasion. Je trouve que c'est une mixture qui est bien intéressante. La présentation graphique est superbe aussi. En fait, c'est tout. Il y a tout pour plaire, en fait, pour les amateurs, bien entendu. Si vous êtes des amateurs de disco, oubliez ça. Fuyez! Je vous parle d'une deuxième présentation ce soir, qui est une formation canadienne, encore une fois, oui. Le Canada a été à l'honneur, je dois dire, dans les dernières semaines, même derniers mois. Je vous parle de la formation Gomorrah, formation qui vient de Kelowna, en Colombie-Britannique, qui donne dans un technical death groove metal. C'est un trio qui est composé de ceux-ci, Connor Bartley à la batterie, Bowen Madison à la guitare et Jeff Bryan au vocal. Ils en sont à leur deuxième studio... probablement plus que ça, mais pas deuxième album studio complet, devrais-je dire, qui porte le nom de Aruspex, qui paraîtra le 25 janvier prochain sur une étiquette que je ne connais pas du tout. Est-ce le leur? Je ne sais pas. C'est Test Your Metal Records. J'ai eu le bonheur, effectivement, de recevoir l'Advance par John Asher Distribution. Et j'ai vraiment apprécié cet album de Gomorrah, ce deuxième album de Gomorrah, qui, ma foi, est excessivement bien fait. Souvent, j'ai tendance à dire que les formations canadiennes ont une sonorité qui est très reconnaissable et très particulière, et je dois dire, au détriment de peut-être certains amateurs du genre, que parfois, cette sonorité-là n'est pas la meilleure. En fait, il y a une signature qui est très indélébile dans les groupes métal canadiens. Ici, avec Gomorrah, je dois dire que ce n'est pas le cas. La formation donne dans une signature, pour reprendre ce terme, tout à fait internationale, avec une excellente production. On parle d'un album qui comporte 10 pièces pour une courte durée de temps, par contre, 30 minutes 55 secondes. Mais quand même, il vaut amplement la peine d'être découvert. C'est une des belles formations canadiennes qui donne dans un métal, je dirais... assez musclé, pour ainsi dire. Je vous propose à l'instant la pièce Venom and Rapture, tirée de l'album The Aruspex. Voici Gomorrah. Gomorrah et la pièce Venom and Rapture, c'est tiré de Aerospecs. Album à venir le 25 janvier prochain sur l'étiquette Test Your Metal Records. J'ai trouvé ça vraiment très bon. Il y a des trucs qui nous font penser à certaines choses déjà entendues. Évidemment, très dur de réinventer la roue de nos jours, mais il reste que je trouve ça très efficace et j'ai trouvé l'album dans son entier fort intéressant. Je vous invite à le découvrir lors de sa sortie en janvier prochain, soit le 25. Si on parlait un peu de cinéma, j'ai écouté quelques trucs quand même depuis la dernière édition de Réanimation, mardi dernier. J'en ai écouté des pas mauvais, je dois dire, à part ça. En fait, je voudrais débuter en vous disant de ne pas oublier, bien sûr, pour les amateurs du genre, que ce vendredi 18 décembre, oui, c'est rock classique, bien sûr, mais c'est aussi la sortie du 7e épisode de Star Wars The Force Awakens, qui est une réalisation de J.J. Abrams, qui mettait en vedette, bien sûr, Harrison Ford, Mark Hamill, Carrie Fisher et Daisy Ridley. Donc, c'est 30 ans après la bataille d'Endor. C'est probablement un film qui est attendu de plusieurs, dont je suis, et probablement que ça va faire la file pour y assister, bien entendu. Autre truc qui sera surveillé en début janvier, et ça aussi je l'attends beaucoup, c'est le 8e, je crois que c'est le 8e film de Quentin Tarantino qui portera le nom de Hateful Eight, et c'est un western. Donc je suis allé voir les previews, et si vous aimez Django Unchained, qui est paru, en fait, il y a 2 ans facilement, ou 3, si c'est pas, c'est peut-être même 3 ans, dans le style western Quentin Tarantino, vous devriez et je devrais apprécier The Hateful Eight. Dans les trucs que j'ai écoutés, American Ultra, qui est un film d'action à tendance comédie, qui est vraiment très original, je dois le dire. C'est un film qui met en vedette Jesse Eisenberg et Kristen Stewart. C'est un film qui raconte qu'un jeune est accidentellement, avec consommation de substances illicites, devient avec des super pouvoirs momentanés de combat. Et il est poursuivi par des tueurs et ainsi de suite. Bon, bref, je vous gâcherai pas le punch, mais c'est très original et il y a quand même pas simplement d'action et une petite touche de comédie fort intéressante. Donc, American Ultra. Autre film dans le même genre, qui est un film d'horreur à tendance comédie, il s'agit de Scott Guide to Zombie Apocalypse, qui est un film de Christopher Landon et qui raconte l'histoire de 3 jeunes scouts. Je dis jeunes scouts, mais ils sont pratiquement adultes. Dont l'un d'eux est vraiment le nerd, si on veut, et qui sont mêlés malencontreusement à une épidémie causée par un laboratoire avec des beaux petits singes. Oui, comme Horace, effectivement, qui d'ailleurs, peut-être l'entendrons-nous tout à l'heure, je l'ai vu passer, et qui sont confrontés à une épidémie de zombies. C'est très drôle par moments, je dois dire. Il y a des moments où j'ai vraiment éclaté de rire. Et c'est très divertissant. Donc, en français, je crois qu'il était traduit par « Les scouts et l'apocalypse des zombies ». Ben oui, je crois que c'est ça, mais bon, le titre original, c'est Scout Guide to Zombie Apocalypse, et c'est disponible à Digital HD présentement. C'est vraiment un bon moment de cinéma. Un film que j'ai vraiment trouvé ennuyant, je vous ai dit la semaine dernière que j'étais pour vous en parler, il s'agit de Finders Keepers, qui finalement est un film tourné pour la télévision, qui est un film italien, avec des acteurs italiens. J'ai rien contre ça. Au contraire, il y a d'excellents films d'horreur italiens qui ont été faits, mais celui-là est d'une platitude et d'un ennui mortel. Donc, Finders Keepers à éviter absolument. Film d'action à tendance gangsterisme ou criminel, si vous préférez, c'est Haste, mettant en vedette Robert De Niro, Dave Bautista, oui, le lutteur, qui a un rôle secondaire, mais quand même, il fait la job, et Jeffrey Dean Morgan, qui raconte l'histoire de Francis Silva alias Pope, qui est parrain de la mafia, bien entendu joué par De Niro, qui souhaite se retirer de ses affaires et confier la gestion de son casino à son protégé. Bref, ça ne va pas comme il veut. Et il sera entraîné dans un vol de son argent qui est blanchi dans le but, tout ça, de payer un soin et une opération à la petite fille de la vedette du film qui porte le nom de Luke Vaughn, qui n'a pas un sou devant lui et dont les assurances ne couvrent absolument pas ce soin. Elle est condamnée à mourir, sa petite fille. Donc, il vole son ancien patron. C'est assez divertissant, je dois dire, parce que ce qu'il faut savoir avec De Niro, c'est qu'il a fait des films extraordinaires, des films avec des rôles qui crèvent l'écran. Mais personnellement, les dernières productions dans lesquelles il a joué, et même à la rigueur réalisée, m'ont laissé un peu pantois et déçu, dans le sens où j'ai trouvé que son interprétation était du genre, ça ne tente pas beaucoup de le faire, mais je vais le faire quand même. Donc, c'était peu convaincant. Mais ici, je trouve qu'il se rattrape bien. Et certainement, la cerise sur le Sunday, le film qui est selon moi un des meilleurs films de 2015, qui est un film de science-fiction de Ridley Scott et qui met en vedette Matt Damon. Il s'agit de Martian ou Seul sur Mars, qui est un excellent film et qui raconte d'une certaine façon l'abandon d'un astronaute sur une exploration martienne, alors qu'il y a ils doivent quitter à brûle pour point parce qu'il y a une tempête terrible qui se prépare, qui va tout pulvériser. Il est considéré comme étant disparu et mort. Et non, il survit et il doit attendre 4 ans avant qu'une mission puisse revenir le chercher. Et c'est tout ce qu'il met en œuvre, son génie, pour être capable de subsister et d'être capable d'arriver à pouvoir quitter la planète Mars. C'est vraiment un excellent film. C'est vraiment un des meilleurs, comme je l'ai dit, de 2015. Si j'avais une note à lui donner, je lui aurais donné certainement un 9,5 sur 10, mais je n'en donne plus. Bon, voilà. Peut-être autre truc à surveiller au courant du mois de janvier, c'est The Revenant, qui est un autre film à caractère western, ou en fait colonial, si on veut, avec... Leonardo DiCaprio, ça risque d'être très très bon. J'ai vraiment hâte de voir ça. Donc, et bien sûr, plus tard, au mois de mars, eh bien, si vous êtes amateur de films de super-héros, eh bien, vous pourrez voir Batman versus Superman. C'est le 25 mars en salle. Je vous parle du deuxième spécial de la soirée et dernier de l'année 2015. Il s'agit de la formation Les Vétérans du Trash Metal de la scène initialement américaine et maintenant mondiale, bien sûr. Il s'agit de Slayer. Slayer qui existe depuis 1981 jusqu'à aujourd'hui sans jamais n'avoir pris aucune pause, mais par contre en ayant changé à l'occasion quelques-uns de leurs musiciens, principalement au niveau du drummer ou du batteur si vous préférez, puisqu'on a eu une succession à certains moments donnés entre Dave Lombardo et Paul Bostaff et quelques-uns d'autres qui sont venus prêter main forte à Slayer pour de courtes durées. Mais aujourd'hui, bien sûr, nous savons tous que Jeff Hanneman est décédé. Il a été remplacé, est-ce officiel ou est-ce officieux, par Gary Holt, excellent guitariste de Exodus. Et Paul Bostaff est revenu, bien entendu, il y a déjà un certain temps. Slayer, c'est une formation qui est emblématique et je dois dire que leur discographie n'est pas nécessairement intégralement bonne. Ils ont des moments faibles, mais ils ont d'excellents albums. Et doit-on le dire, l'album Ring in Blood, qui est leur troisième album, aurait été certainement et encore été considéré aujourd'hui comme étant l'album métal par excellence ou l'un des rares albums métal par excellence de cette histoire. Je vous propose aujourd'hui d'aller écouter 6 pièces tirées du premier album, deuxième album, troisième album, quatrième album, sixième album et dernier album de Slayer. Et on débute ça tout de suite avec une pièce tirée de Show No Mercy de 83, Fight Till Death, Go! With power to kill, descend.

We'll be right back. 6 pièces tirées de 6 parutions différentes, bien entendu, de la formation américaine Thrash Metal Slayer, formation emblématique de ce genre et du métal, bien entendu. On vient d'entendre une pièce tirée du dernier album. Très bon album. La pièce titre Repentless, qui est parue un peu plus tôt cette année. Il y a peu, je dirais peut-être quoi, 2 ou 3 mois maximum, cette année sur l'étiquette Nuclear Blast. Le premier album pour Slayer sur l'étiquette Nuclear Blast d'ailleurs, parce qu'ils ont été très longtemps sur Def American, Def Jam et Def Recording. Juste avant, nous avions une pièce qui était tirée. En fait, Repentless est le 12e album studio. Nous avons une pièce qui était tirée du 5e album Seasons in the Abyss, soit Hollow Point, qui est paru en 90 sur Def American. L'incontournable, et je n'aurais pu la passer sous silence, bien entendu, Angel of Death, qui est tiré de Ring and Blood, 3e album studio en 1986 de cette formation extraordinaire. En tout cas, à cette époque-là, c'était totalement révolutionnaire. Nous avons Necrophiliac, qui est tiré de Hell Awaits, qui est le 2e album studio complet de 85 sous étiquette Metal Blade. Chemical Warfare, qui est tiré de la 2e sortie studio, mais qui est en fait non pas un album complet, mais bien un EP, un mini-album, Haunting the Chapel, paru en 1984, également sur Metal Blade. Et nous avons ouvert avec Fight Till Death, tiré de Show No Mercy, premier album officiel studio complet de Slayer en 83, tiré de sous étiquette Metal Blade, et je me rappelle avoir été subjugué à l'époque par ce nouveau style métallique que Slayer venait de nous apporter. Ça chambardait tous les barèmes jusque-là établis. Je vous rappelle que ce vendredi, vous pourrez assister à la dernière partie de la rétrospective de Rock Classique en compagnie de mon bon ami Rockmaster, et ce à partir de 11h jusqu'à 17h pour les vrais amateurs de vrai rock. Et c'est également la dernière émission 2015 pour Rock Classique. Elle sera de retour en ondes le 8 janvier prochain, et moi aussi. Et c'était ma dernière émission de 2015 pour Réanimation. Je serai de retour le 12 janvier 2016 pour la Retro Undead traditionnelle rétrospective qui se portera bien sûr sur 2015. Et dans quelques instants, restez sur les ondes de C'est fou, parce que dans environ, quelques 4 minutes, vous pourrez entendre les comparse de Matière Noire. Je vais vous laisser avec une dernière pièce d'une formation que j'ai découverte il y a très, très peu de temps. Formation qui vient de Chicago, Illinois, qui porte le nom de Against the Plagues, qui donne dans un black death metal, ma foi, fort sympathique, je dois le dire. C'est une pièce tirée de leur 3e album studio complet, qui porte le nom de Purified Through Devastation, qui est apparaître le 18, soit ce vendredi, sur Non-Serviam Records. Et c'est une formation que j'ai trouvée, ma foi, fort intéressante. Je vais vous laisser avec une pièce qui porte le nom de, je vous laisse deviner, All Flesh Had Corrupted. Et moi, je vous retrouve le 12 janvier prochain pour la première édition 2016 de Réanimation. Et d'ici là, je vous en prie, allez tous vous faire foutre allègrement, s'il vous plaît. Profitez-en, vu que c'est le temps des fêtes, hein. Faut se lâcher l'os un peu, fait que let's go, allez vous faire foutre. See you! Defying